C'est l'anniversaire de Sarah. Elle a 11 ans. La mère de Sarah cache ses cadeaux dans toutes les chambres en haut. Il y en a beaucoup. Sarah a de la chance. À 6h30, on frappe à la porte. Ce sont des amis de Sarah qui arrivent pour passer la nuit chez elle. Elle cherche les cadeaux cachés. Sarah trouve le plus grand cadeau dans la salle de bain derrière la porte. C'est un manteau et des bottes. Elle est ravie et très heureuse. Elle remercie ses parents pour le cadeau. À 7h15, elle mange des pâtes avec de la salade verte et du fromage, puis elle mange une tarte aux pommes avec de la crème. Elle regarde un DVD, écoute de la musique et danse dans le salon. Joyeux anniversaire, Sarah !